Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Où sommes-nous ? Sur un bateau, sur le bord des canaux et des rivières ? Nous sommes dans la mémoire des marinières et des mariniers et dans la série d'émissions proposée par Josette Collin et réalisée par Mehdi El Hadj en 1988 dans Les Nuits Magnétiques. Les Mariniers, série qui obtint le prix Paul Gilson 1988. Un éclusier jardinier qui partage ses légumes avec les mariniers, le capitaine d'un pousseur, la navigation et les manœuvres et la colère. Rien n'était fait pour sauver la batellerie en péril. En tout cas, le 20 janvier 1988, lorsque fut diffusé le deuxième volet de cette série, présenté par Laure Adler. De toutes les créations des entreprises du commerce, une péniche est de beaucoup ce qu'il y a de plus agréable à considérer. Il lui est possible de déplier ses voiles, et alors on la voit voguer haut, au-dessus des cimes des arbres et des moulins à vent, voguer sur le canal, voguer à travers champs, le plus pittoresque des amphibies. Ou bien le cheval marche d'un pas tranquille comme si nulle autre affaire n'existait au monde, et l'homme, rêveur au gouvernail, voit le même clocher sur l'horizon une journée entière. À ce train, c'est un mystère comment les choses arrivent à destination. Le spectacle des péniches attendant leur tour à l'écluse offre une remarquable leçon de la facilité avec laquelle on peut envisager l'univers. Il devrait, ajoute Stevenson dans son voyage sur les canaux et rivières, il devrait y avoir beaucoup de gens satisfaits à bord des bateaux, car mener une pareille vie, c'est à la fois voyager et rester chez soi. Nuit magnétique, les mariniers toute cette semaine, Josette Collin, Mehdi El Hadj, Michel Créis. Toute cette semaine donc, au fil des canaux, à la fois voyager et rester chez soi, pour reprendre l'expression de Stevenson. Oui, mais pas si simple. Quand Stevenson écrivait sur la batellerie alors n'était pas menacée. Aujourd'hui, la batellerie artisanale est en crise et l'image de la paire de solides chevaux aux harnais rutilants conduits par le patron qui tire à pas réguliers la péniche pendant que la femme, restée à bord, attentive au tracé du canal, dirige le bateau à l'aide du gouvernail, cette image qui hante encore nos mémoires est obsolète et ne traduit plus la réalité. Car en effet, la batellerie va mal. Vous avez choisi, Josette, de restituer le milieu de la batellerie artisanale. Oui, hier c'était un peu la mémoire des mariniers. Et ce soir nous allons être confrontés aux réalités de la batellerie artisanale d'aujourd'hui. Nous sommes montés à bord d'un pousseur, c'est-à-dire une péniche qui pousse une barge. Et nous avons partagé la vie de l'équipage. Alors donc, les mariniers, toute cette semaine, Nuit Magnétique, Josette Collin, Michel Créis, Mehdi El Hadj. Ce soir, la batellerie artisanale. Vous avez le pont de la Tournelle, venons un peu plus loin. Eh bien, vous avez le monument aux morts, aux martyrs de la Résistance, Lille. Quand vous arrivez à cet endroit-là, vous devez arrondir la descente sans trop serrer le quai. Vous serrez d'abord le quai sous le pont de la Tournelle et puis vous vous laissez déporter. Vous vous laissez déporter, vous vous laissez partir en travers vers Lille. Le mouvement d'eau va rejeter le bateau. Et vous passez tout droit, directement dans les passes. Mais il faut bien, si vous tirez un peu trop à droite, vous êtes aspiré par le tourbillon qui se trouve du côté au pointillé de la femme sans tête, qu'on appelle, et vous faites demi-tour, vous ne passerez pas les ponts. C'est ça le rapport, c'est bien connaître les positions où il faut placer le bateau pour que le courant va vous déporter, non plus va vous faire passer à côté de la passe, mais vous amener dans l'axe où vous voulez passer. Jeudi 9 octobre 1924. condition requise pour qu'un bateau soit admis à naviguer. Pour qu'un bateau soit admis à naviguer, il faut que ses dimensions permettent le passage facile aux ponts, écluses et autres ouvrages d'art. Qu'il porte à la poupe inscrit en caractère de 0,08 m, sa dénomination, son tonnage maximum, le nom, les initiales des prénoms et le domicile du propriétaire. Qu'il soit en bon état. Qu'il ait à bord au moins un patron et un aide. Qu'il soit muni des agrès nécessaires. Que le patron soit porteur des pièces de bord. Mon mari, il est mort le 17 août 60 et ma fille devait se marier le 20. Alors, c'était pas rigolo, ça. Après, je n'étais plus toute seule avec elle, du fait que ma fille s'est mariée 8 jours après. Hein. Alors, plus que toute seule, faut que ça... Tout passe par la tête. Hein. Surtout celui-là, hein, fallait s'en occuper aussi. Hein. Alors après, j'avais le moteur, j'avais l'affrètement, j'avais la conduite du bateau, j'avais, enfin, vous voyez bien le boulot qu'on peut avoir dans un bateau. J'allais où je voulais, et puis toute l'affaire était faite. Et des fois, j'avais pas de matelot, j'ai fait combien de voyages toute seule. Monter aux écluses, étaler son bateau dans les écluses, monter, fermer la porte, aider à l'éclusier, c'est normal. Et puis après, redescendre pour s'occuper des cordes en canal, quoi. Alors, ça fait quand même du travail. De Reims jusqu'à Strasbourg, toute seule au bateau. Oh, ben ça allait aller, comme ça, je me fâchais pas avec personne. J'étais tranquille. Et on sait ce qu'on a à faire hein, quand on est tout seul. On se fie pas l'un sur l'autre. Hein. Ça, on sait ce qu'on a à faire. Et j'ai quand même été 24 ans toute seule, hein, à bord. Mon mari est mort en 60 et j'ai débarqué en 84. Quand il fallait, par exemple, enlever les écoutilles, il y avait des mariniers qui vous donnaient un coup de main ? Des mariniers ou alors je demandais aux ouvriers, vous savez, aux chefs de l'entreprise qu'on vidait ou qu'on chargeait. Alors, ils me donnaient la main pour découvrir. J'ai déjà découvert toute seule, mais ce n'est pas du boulot, hein, parce que les écoutilles, ils n'en prennent un coup. Hein. J'ai déjà découvert le bateau toute seule. Hein. Alors, faut faire la navette. Hein. Faut en faire des bords pour tout enlever. Faut enlever les égouttilles, enlever les gouttes qu'on appelle. Et, enfin, vous voyez bien le boulot pour que la benne puisse bien rentrer dedans. Hein. Non, c'était pas tout rigolo, tous les jours rigolo, mais enfin, ça y est arrivé quand même. Et comment est-ce que les gens réagissaient quand ils avaient affaire à vous, en sachant que vous étiez seul à bord ? Oh, ils ont toujours été gentils. Toujours, toujours. J'ai toujours eu des bons amis. Toujours. J'ai jamais vu un marinier qui s'est plaint de moi. Au contraire. J'ai tous des bons amis. Il y a même encore des belles qui m'écrivent. J'ai toujours été en bonne compagnie. Et des Hollandais aussi. Hein. Parce que je faisais... enfin, j'allais en Allemagne, pas souvent, mais j'y étais quand même. En Hollande. En Hollande, j'y allais bien. J'étais bien. C'était... Enfin, pour mon compte personnel, c'était gai. Et puis, ça change de notre puissance, hein, un petit peu, quoi. Et puis, les gens étaient bien gentils envers tout, hein. Et des fois, on arrivait dans un port qu'on ne se comprenait pas, ben, on se comprenait par geste. Et ça allait bien. Ah ben la Belgique, c'était bien, c'était surtout là en Wallonie. Hein. Les Flamands, c'est pas pareil. Hein. Alors du côté de Liège, Namur, tout ça, Charleroi, alors c'est, on dirait qu'on est en France. Hein. Vraiment. Hein. Oh, j'ai encore des bons copains là-bas. C'est facile de naviguer ? Ah oui. Ah oui, c'est facile. Il y a la Sambre sur à Charleroi, et à Namur, au tombé sur la Meuse, ben ça va bien. Puis maintenant, ils ont supprimé des écluses, alors ça va tout seul. Hein. Oui. J'ai pensé, moi, l'eau à les écluses, hein, sur la Meuse. Et ça a été une merveille. Et puis j'ai passé aussi qu'ils ne pouvaient pas remonter les barrages, qu'il y avait 80 cm de rabais dans tous les biefs. Alors, les bateaux à 1,80 m pouvaient marcher, mais les bateaux à 2 mètres ne marchaient pas. Eh bien, ça a été pareil, ça a été à merveille. Et au macaron, et puis ça y allait. On a toujours été bien. Et j'ai jamais fait arriver d'avarie à mon bateau. Jamais. Jamais. Mon assurance peut pas se plaindre là-dessus. Tout ce qu'il y a, il y a des hélices de cassé. Ça, les hélices, on peut pas voir quand un bois, il rentre dans l'hélice. Hein. Ça, ça m'est arrivé souvent. Une fois, trois fois la même année, j'ai cassé une hélice. Hein. C'était pas de ma faute. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Mais enfin, ça... Je tâchais de trouver un endroit pour être tranquille. Et puis, je téléphonais à l'assurance. Et les scaphandriers, ils venaient changer l'hélice. Puis, c'était tout, on mettait ça. J'ai parti ici une fois l'avant-veille de Noël. J'avais pas de matelot. J'ai été passer Noël au-dessus de l'écluse d'Ablon. Tout seul comme bateau. Comme voisin, j'avais les rats qui me mangeaient l'orge dans les égoutilles. Là. Ben, j'ai passé mon Noël toute seule. J'étais à merveille. Puis le lendemain matin, ben, on est parti. Puis il y avait de l'eau. Hein. Il y avait de la crue. On appelle ça de la crue, nous, hein, quand il y a de la... Et puis ça l'a été. Oh, j'avais pas... Vous savez, j'avais pas peur. Hein. Faut pas avoir peur. Si on a peur, on est fichu. Et puis on donne la peur à celui qui est à côté de vous. Ça vous est arrivé d'inciter le matelot qui était avec vous à passer dans des endroits un peu dangereux, alors que lui hésitait? Ah ben, c'est-à-dire, moi, les matelots, je les laissais pour macarons dans des endroits comme ça. Non. Si j'étais pas capable de le faire, je prenais un pilote. C'est normal. Hein? Parce qu'après, les matelots, vous savez, hein, vous pouvez plus amener à bout. Hein. Ben, j'ai vu des filles comme matelots. Hein. Oh, ben, je comprends. Je suis photographiée là-bas avec mon petit matelot. C'est une femme qui travaillait dans les laboratoires à Paris. Oh, puis très gentille. Hein. Oh, impeccable. J'ai vu trois filles comme matelots. Puis travaillaient bien. Je m'en plaignais pas, au contraire. Mieux qu'un garçon, parce que les garçons, ils veulent toujours être nets. Tandis qu'avec une fille, ben mon vieux, ça l'allait à merveille. On était toujours bien, bien d'accord. D'où elles venaient, ces filles? Eh bien, il y en a une qui venait du Nord, une jeune fille du Nord. Et puis, il y en a une qui venait de... sur la Sarthe, là, de... Je ne me rappelle plus, du côté de Chartres. Non. C'est pas Le Mans qui a... Le Mans, oui, amené du Mans. T'es gentil, Muriel, qu'elle s'appelait. Elle avait 17 ans. Oh, elle était bien aussi. Hein. Puis elle savait travailler. Hein. Vous savez, vous faisiez voir le travail une fois, elle pouvait le faire. Hein. Mais elle avait déjà navigué? Non, elle n'avait jamais navigué. J'y ai fait voir comme il faut. Mon vieux, elle apprenait à merveille. Elle avait bonne tête. Oh, j'ai vu Chagrin quand elle est partie. C'est vrai, ça, quand on est habitué à une personne. Hein. J'en ai vu qu'une qui naviguait, celui qui était du Nord. Mais sans ça, les autres n'ont jamais navigué. Hein. Ah, et oui. Enfin, c'était bien. Enfin. Oui! Un canal qui a été fait par les mains des hommes, c'est relativement facile, il n'y a pas de courant, etc. Tandis que quand vous naviguez en rivière, c'est là le problème. C'est qu'il y a une route à faire. Maintenant, on a bien amélioré les rivières. On a dragué par place, etc. On a redressé les berges, on a relevé les ponts, on a supprimé des piles. C'est beaucoup plus facile. Mais si on retourne 50 ans en arrière, il y avait des ponts avec des petits passages, des mouvements d'eau qui était très mauvais, il fallait un artiste, quoi. Il fallait vraiment être un bon capitaine pour passer tout ça sans embarras. Et après, vous aviez le bateau en laisse vide, vous aviez le vent. Il fallait tenir compte du vent. Et le courant, quand il y a de la crue. Ça, c'était difficile par la crue, parce que un bateau se conduit un peu comme un avion. S'il en perd de vitesse, s'il descend avec le courant, eh bien, il ne se conduit plus, il faut qu'il s'arrête. Alors, on faisait demi-tour, cap à l'avant, qu'on appelait le bateau, comme un avion qui vient atterrir. Il atterrit sur le vent, un bateau, il devait se garer sur le courant. Et tout ça, c'était un métier qui... On était haut comme trois pommes, et puis monter sur un banc, on conduisait déjà le bateau. Alors tout ça, ça vient à la longue, puisque je vous disais, on était tous des mariniers de père en fils. Règlement belge. En approchant des écluses et des ponts mobiles, les patrons doivent ralentir la marche de leur équipage et avertir les éclusiers et les pontiers de leur arrivée par le sifflet, la cloche, la corne ou bien par des appels. L'arrêt complet est obligatoire à la distance de 100 mètres des ponts mobiles de chemin de fer et de 50 mètres des ponts mobiles pour routes et des écluses. Si le pontier ou l'éclusier n'a pas donné l'autorisation de franchir ces ouvrages. Les passages les plus difficiles sur le trajet avec le pousseur. Ah ben c'est Lyon. Hein. Oui, pourquoi? Oui, parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'eau en dessous le fond. Et puis c'est une rivière qui n'a pas été conçue non plus pour conduire avec une barque. Il faudrait que ça soit dragué. Enfin. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau en dessous le fond. Fallait, ils ont remonté un peu l'eau ce matin là, parce que l'eau elle commence avec. La chaleur, là, ça commence à descendre. C'est pour ça que je vais doucement. Comment ça se passe quand on se retrouve ensablé? Ah ben, c'est-à-dire les éclusiers, il faut qu'on remonte l'eau. Il faut essayer par soi-même de s'arracher. Il faut, quand on suit la route, en général, ça ne doit pas arriver en allant doucement. Parce qu'il faut aller très doucement et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce qu'aussitôt qu'on tourne, on fait baisser l'eau. Seine, ça va très bien pour naviguer, ça va bien. Sous les ponts, c'est particulier aussi? Ben, les ponts, c'est toujours... Ici, encore, ça va. Hein. Les ponts, c'est assez haut. Mais alors, pour Paul Bert, là, c'est juste pour passer. Il faut tout démonter la timonerie que. En Seine, après, c'est fini tout ça. Elle fait quelle longueur, là? La barge devant, puis... Elle fait 39 mètres. Ici, il fait 38,50 mètres. Vous conduisez le pousseur depuis combien de temps? Ah ben, là, ça fait 7 ans. Ouais. Vous aviez une péniche auparavant? Oui, j'ai celui-ci, ça. Ça fait un gros changement pour la conduite? Ah oui, surtout quand la Lyon est en crue. Alors là, pour faire attention, c'est assez difficile. En 38 mètres, ça va bien. En 38 mètres 50, bon, enfin, il faut déjà prendre des précautions. Hein, mais là, en pousseur, il y a pas mal de chevaux maintenant, alors ça va. Hein. Ça répond quand même. Il fait combien de moteurs ? Il fait 350. Regardez, il n'y a pas. Pour les lisses, il faut faire attention. Là, il y a un arbre. Et un peu plus loin, là, à droite, il y a une plage. Alors, il faut aller doucement aussi. Il faut bien faire la. Alors, c'est assez juste du coup que je fais 80 mètres. Hein. Presque. Parce que les rivières deviennent même de plus en plus dangereuses. Contrairement à ce qu'on pense, il y a eu beaucoup d'améliorations dans certaines voies navigables, mais ça n'a pas toujours facilité le travail dans certains endroits. Les courants auraient tendance à être plus violents qu'avant. Même sur des fleuves qui étaient réputés très difficiles avant, comme le Rhône, bon, ben, ça a considérablement amélioré la navigation pour le gabarit des bateaux, le tonnage, mais il y a certains endroits qui sont devenus plus dangereux qu'il y a un demi-siècle, par exemple. Bon, je vais essayer de t'annoncer au collègue s'il n'est pas en train de passer la coupe. Épineau de gravière, épineau. Il est peut-être en train de manger. Des petits pigeons. Épineau, épineau de gravière, épineau. Un pigeon apprivoisé. Il est sûrement à table. Les deux, là. Alors qu'il est, il est sûrement à table. Oh oui, il est parti manger. Ah oui. Je vais l'avoir après. Là, t'as un plaisant ce qui te suit, là, qui va, je sais pas où il va, mais il va peut-être te rattraper. Je sais pas si c'est une pénichette qui rentre sur Joigny ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais. Ou un Avic France sur Saint-Florentin. Ouais, ça, je comprends pas. Mm. Ouais, alors là, tu vas partir à Rouen. Oui. Rouen. Il va descendre, il est loin derrière, alors, l'élite. Ah non, il ne doit pas être loin, il a dû me rattraper, parce que là, j'ai pas tourné fort. Parce que lui, il va le rattraper un peu, oui. Ah bah oui, tout seul, ah oui. Là, quand même. Il va gagner du chemin. Je suis quand même à 88. Là. 88, ah oui. Belle. Bien, bien. Combien est ta tonne alors que je marque ça, que je 260, bien sûr. 260 et l'autre 250. 260 et 250. Ouais. Ouais. La conduite, c'est pour aller à droite, on tire à droite, c'est comme une voiture. Hein. Pour aller à gauche, on pousse à gauche. Il faut anticiper. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne fait pas la même chose parce que, vous voyez, je lâche et je repousse. plage pour pas qu'il parte trop. C'est ça, quoi. Un volant, c'est pas pareil, c'est une voiture. Là, il y a l'hélice qui est dessus, alors... D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, il est revenu vite, c'est l'hélice qui fait ça. Il revient assez rapidement. Non, pas tellement. Des bois. Non, j'ai déjà eu des renfoncements, mais pas très grave. Mais maintenant, avec le téléphone, hein, ça, VHS, on s'annonce et tout ça, on se parle entre nous, alors c'est rare qu'il y ait un accident. Hein. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui n'ont pas le VHS. Alors bon, en scène, on voit il y a le drapeau bleu. Et puis on voit un pousseur arriver, on lui demande s'il fait gauche ou droite. Alors, c'est très rare qu'un accident. Il n'y a que dans la crue à Valence, si on loupe un peu l'écluse, alors là, des moments, il y a des accidents. Et enfin, c'est très rare. Hein. Bonsoir, pour le chevire. Oui, mais le chevire écoute. Salut Guy, t'es dans les 15 épisodes, là Ah non, je vais rentrer dans l'écluse, là, dans 5 minutes. Ah ok, bah ça va être bon, hein, j'ai un chargé de mon temps, là, qui vient de sortir. Hein. D'accord, c'est très bien. Bon, tout à l'heure. Transmets à Jeannot. Ça sera fait, d'accord. Tout à l'heure, Guy. Vous les connaissez bien tous les éclusiers? Ben oui, parce que ça fait assez longtemps que je fais le Lyon, hein, alors ils me connaissent presque tous. Et Pino? Pino, j'écoute. Bonjour, le chevire à Valence. Ça fait bon, hein. D'accord. La vallée pour pêcheur. Bonsoir, en haut, dans ce qui écoute. Ça dit, on va tarder à rentrer. Hein. Vous le voyez, pas loin là. Moi, je vous dis, hein, le chevire, il va bientôt rentrer dans les pinots. Hein. Ça sera bon pour que vous faites le bief. Hein. Oui, d'accord, merci monsieur, à tout à l'heure. Hein. Celle-ci, elle est droite. Hein. Ils sont toutes droites jusqu'à Joigny. Après, ils sont en cuvette, les écluses. Alors, c'est moins pratique. Pour s'accoster, ça va perdre un peu de temps. C'est quoi le risque aussi? Comment? Il y a un risque particulier lorsque les écluses sont abîmées? Ah oui, il faut bien rester au milieu de l'écluse, hein, parce qu'après, on peut s'échouer, puis il faut rebouter. On avait ça, ils rebootent les vannes, alors ça fait tout un... Et ça escade un peu la coque. Votre épouse, pendant ce temps-là, est en train de laver les côtés du bateau. Ah oui, elle lave le pont. Elle avait essayé hier avec la poussière. Hein. Il y a beaucoup de poussière, alors à chaque chargement, il faut tout passer à la brosse, à la front. Il y a assez. Oh, on n'a pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'arrêts, quoi. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est indépendant. Si on a envie de faire ça, on le fait, on n'a pas envie. Dans les bourses d'affrètement, ça se passe bien? Oui, il y a des moments que ça se passe bien, il y a des moments que ça se passe mal. Quand il y a beaucoup de transport, ça, tout le monde est à peu près content. Et quand il y a moins de transport, il y a toujours des histoires. Parce que Surtout en ce moment, il y a une baisse de fret, alors il y a des mariniers qui ne sont pas d'accord. Alors ça fait des disputes un peu. Pourtant, avec le système du tour de rôle, tout le monde devrait être satisfait. Ah oui, ça c'est très bien le tour de rôle. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas assez de transport, on reste trop longtemps pour attendre un transport. Ça peut-être reprendre un peu. On est concurrencé par le chemin de fer, je crois, et puis les camions. Vous faites surtout les transports de céréales, vous? Ah oui, ben, ce qui se trouve, on voudrait bien faire autre chose, mais avant, on faisait de tout, du soufre, du charbon, du sable, enfin de tout avant. Et maintenant, ça devient maigre. J'espère que ça reprendra un jour. Moi, j'aimais bien mon métier, mais là, ça devient trop de soucis. Hein. Surtout qu'on a pris des dettes quand même, alors on a changé la mécanique, tout ça. Le moteur. Sans ça, on n'est pas cher. Surtout là, on a baissé de 15%. Ça fait pas mal. Et je crois même qu'il y a des transports qui ont été faits là à moins 20. Pas si rouant. Un transport de céréales entre Auxerre et Rouen, c'est payé combien la tonne? Là, on doit avoir 76 francs. Et là-dessus, vous avez combien de frais? On a pas mal de frais. Hein. On a déjà pour la Rouen, on a 1 000 000 ancien, quoi. De frais. En ce moment, on est au SMIC, quoi. Et c'est pour l'entretien, vous voyez, du... Parce que... Là, on... Arrive à maintenir un peu le coup, mais c'est pour l'entretien, on peut plus aller au chantier, ça revient très cher. Oui. Ça revient très cher, hein, au chantier. C'est... Alors là, il y a beaucoup de matériel qui n'est pas entretenu. Le chantier, c'est pour refaire la cale, surtout. Oui, sabler la coque, y moderniser un peu. Quoi. Bonjour. Ah oui, je suis réglementaire, là. Avant, j'étais pas tout à fait réglementaire, tout seul, on n'a pas tellement le droit. Tout seul sur un pousseur de 80 mètres. Mais ils me connaissaient tous, alors ils m'aidaient beaucoup. Oui, ils sont les accusés, ils sont quand même assez raisonnables. J'étais tout seul, alors... Bon, je vais essayer de mettre un cordage. Là, l'écluse, elle est longue. Hein. On peut rentrer à 4. Vous descendez votre chien à chaque écluse? Ah, pas à chaque écluse. Hein. Parce que l'écluse, on n'a pas le droit. Là, c'est bien parce que c'est un peu la nature. Mais il y a des écluses qui sont assez propres, alors ils ne veulent pas de chien celui-là. On le met plusieurs fois par jour quand on peut. Ben. J'ai vu que vous aviez des poules à bord du bateau. Ah oui. Comment ça se passe? Ah ben, il y a des soirs, quand, vous voyez, quand je suis dans la nature, là, j'ouvre la cage et ils vont se... Ils vont à terre, ils débarquent. Mais comment ils débarquent? Ah ben, je mets une perche, vous voyez. Puis ils débarquent dessus, puis ils volent. Puis ils rembarquent le soir sans s'en occuper. Vous n'en perdez jamais en route? Non, jamais. Non, j'ai jamais perdu. Et les pigeons, j'ai vu que vous aviez aussi des pigeons. Ah oui, les pigeons, ils rapportent aussi. Enfin, c'en est un que j'ai récupéré, là, qui était tombé à l'eau. Alors, il y en a un, il est apprivoisé. Lui, quand on a accosté, on le lâche, il va se promener. Il revient. Il y a un chargé qui vient, oui. Oh, excusez-moi. Ah ben, oui, il arrive, tiens. Oui, il y a un chargé qui monte, là. Ouais, ben là, le pousseur va sortir, hein. Oui, j'ai bien reçu, là, Jeannot. C'est pratique aussi, les écluses, on peut se faire envoyer du courrier, quelquefois. Oui. Bon. Bonjour. Salut, mon ami. Ça va bien? Oui. Ça va? Saint-Martin, enfin, n'importe quelle écluse, si on veut. Hein. On peut se faire envoyer le courrier. Ou dans les bureaux de Tours. Oui. Il descend, Gérard, derrière, là? Oui. Hein? Gérard, il va... Il est quand, à la dernière? Oh, il doit pas être loin. Ouais. Oh, bah, remarque, ça va aller. Il doit être à Bassou, maintenant. Il y avait de l'eau, ce matin? C'était juste, hein? Ouais, juste, oui. Oh, je dis, en dessous, là, il y avait que 2 mètres. Ouais. Il n'y avait pas été rebouché, ce qu'on a hier. Quand je suis sorti de Bassou, là, c'était... C'était dur. Enfin, j'étais doucement. Ouais, ouais, ouais. Puis tu connais quand même, hein? J'ai fait la route le plus juste possible. Ouais, ouais. Enfin, j'ai juste frotté à une place, mais 2 fois, rien. Ouais, ouais. Puis tu connais quand même, depuis le temps. Ah, bah oui. Pas la première fois que tu viens par ici, hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est des vieux habitués, ça, hein. Oui. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, malheureusement. Hein. Hein, comme je disais l'autre jour en montant, dis donc, hein. Il y a 27 ans, je faisais 25 bateaux de commerce par jour. Hein. Ah oui, c'est 27 sûr. Ans, hein, quand tu es arrivé ici, hein. Tout transité par la voie d'eau, hein. Ah oui, oui. Aussi bien le pinard, le pétrole, Le charbon et tout. À Moneto, il y a beaucoup d'Union Normande qui allait vider, tout ça. Ah bah oui, puis même à Tonnerre, hein, les Saint, Tonnerre. Tonnerre et puis Saint-Flo, là, les Total, les Unions Normandes, tout. Et puis tous les pinardiers. Tu sais qui venaient du Midi, qui descendaient à Bercy, là. Ouais, ouais. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Hein. Là, en ce moment, il y a un peu de transport là, qui vient du Havre, des frangers, là. Ouais, ouais. En charbon. Ouais, mais il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bah oui, parce que l'année dernière, ils n'en avaient pas fait. Il y a 2 ans, ils en avaient fait. Ouais, mais enfin, c'est pareil, les gars. Celui qui prend ça tout de suite, c'est bon. Mais celui qui a un mois de tour, hein, c'est pas payant. Hein, parce ils ont baissé les frais. Et puis, ils ont baissé les frais pour ça. Hein, autrement, ils n'auraient pas eu. Comme là, j'ai causé à des gars, là, ceux qui ont monté des bateaux de charbon. On est forcé de... Il paraît que... Avec la concurrence, on est forcé de baisser les frais. Bah oui, alors il paraît que ceux qui ont monté du charbon, là, ils ont eu des voyages du haut. Oui. Mais ils ont eu des voyages au rabais. Alors bon, bah ça va bien parce que les gars, ils ont ça tout de suite. Au lieu de redescendre à vide, bon, bah, voilà, faut dépenser quand même le gasoil, hein. Bon, bah ils font ces voyages-là, mais c'est pas normal, hein, parce que, bon, hein, ils travaillent presque pour rien. Hein. C'est ça, hein. Ah oui, en ce moment, c'est... Hein? C'est la crise. C'est hein. Dur. Ah, sans maintenant un jeune qui se lance là-dedans, hein, qui a des dettes, hein, moi je sais pas comment il peut y arriver. Hein. Hein? Ah, c'est dur. Hein. Fais attention. Même pour vous. Hein. Ah, même moi, j'ai pris des dettes, il faut faire attention. Bah, exactement, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, c'est dommage, c'est un bon métier. Ah, ouais. Et on pollue pas. Exactement, et puis pas d'accident. C'est parce ça. Que sur les routes, vous voyez beaucoup de SMI et tout ça. Des hydrocarbures, enfin des trucs qui sont dangereux. Vous voyez des accidents et puis tout, que sur les rivières, même les canaux, vous n'en voyez jamais des accidents. C'est rare, hein. Surtout maintenant avec les téléphones et tout. Oh ben, bien sûr. Hein. Ouais, mais on n'essaye pas de développer ça, hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Parce que s'ils avaient voulu, hein, ils auraient pu développer. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Les trains, ils auraient pu marcher, les camions, ils auraient pu marcher, et puis les mariniers, pareil, hein. De toute façon, ils avaient qu'à partager le boulot, hein. Hein? Ah c'est oui, pas vrai, hein. C'est ça, bah alors, on aurait dû partager. Et comment ça se fait qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, les gars, 8 jours d'attente, et, ils avaient des voyages, que maintenant, ils sont 50-60 jours. Bon, ben, 50-60 jours, c'est fini. On a quand hein. même du matériel moderne. Ah. Bah bien sûr. Il n'y a plus de plancher de bois, autant dire, c'est tout du... plancher en fer. Ouais, tout. Ouais. Et puis quand même, vous avez des puissances de chevaux que dans le temps, et c'était des godis qu'on appelait, comme je vous ai dit en montant. Bon, des machins qui avaient 30 chevaux. Hein. Ça avançait pas ni rien du tout. Aussitôt qu'il y avait un coup d'eau, les gars, ils étaient bloqués. Que maintenant, il faut que l'eau monte sur l'écluse pour qu'ils soient bloqués. Hein. Donc, ça a évolué. Hein, mais Pour le travail, ça pourrait évoluer. Hein. Ah non. On a... Malheureusement pour eux. Hein. On a essayé de suivre, mais on a... Oui. Ça n'a pas suivi. Non. Enfin, il faut espérer que ça reprenne un jour. Ben, c'est pareil que ça va reprendre un jour, je ne sais pas si c'est vrai. Ah, on dit ça tous les ans. Mais... Oui, mais ça fait déjà une paire d'années que ça... Je sais pas, moi, nous, on a reçu des bouquins, là, d'après les statistiques, en 92, ils disent qu'il faudra plus que 1200 à 1500 mariniers, c'est tout. Ah bon? Ouais. T'as pas dit, Gilles? Ah ouais. Non, c'est ça l'autre jour. Hein. Alors, viens. C'est pas pour appeler à relancer, hein. Ah non, si c'est comme ça. Bon, ben, on va y aller, hein. Oui, on va essayer d'ouvrir. Ces gens-là, hein. Oui. Il y a chaud aussi, hein. Ah ben là, il y a chaud. Oh, attention. Et les bergers, ils tiennent pas tellement la chaleur. Ah non, non. Ah, puis il est nerveux. C'est le dernier bateau de charbon, ça. C'est le dernier. Ouais, le deuxième. Enfin, de cette série-là. Oui, oui. Ils sont tous montés hier après-midi. Ouais. Il paraît qu'il y en a encore 7 après celui-là. 5 ou 7. Oui. Ouais. Ouais, j'ai fait le lucide ce matin. Ah bon? Ouais. C'est pareil, tu sais qu'ils vont avoir des problèmes sur le canal, parce que sinon il va y avoir tous les avalans, il y a 8 avalans qui viennent là. Pour charger à passer les bateaux de charbon. Ils sont pas passés? Ah non, hein. On a juste un conseiller, c'est tout. Et puis, lequel qui est passé hier? Hein? Quel bateau qui est passé hier? Ah, le petit Michou. Ouais. Mais il est assez loin. Ah, bah oui, il est passé hier soir. Ah, ouais. Ah, oui, parce que moi, ce matin à l'heure, j'ai fait le fort de l'eau. Ah, c'est celui qui était là. Oui, oui. Il est redescendu ce matin. Ah, ouais. Et derrière, j'ai fait le scout. Ah. Ah, il va à l'os, le fort de l'eau. Hein? Il va à l'os. Là, faut que tu mettes le bouton en dessous, parce que sinon, ouais. Et donc, il va à l'os. Le fort de l'eau. Ah, je crois que c'était à l'os. Non, je sais pas, je ne sais pas ce que je veux. Ah, bah ça se peut. Mais le sud, il est redescendu, hein, le bateau sud, là. Oui. Il est redescendu aussi. Ah. Je sais pas ce qu'ils ont fait à la dernière bourse, là. Ben, la bourse de... Oui. Ah, non, pas bateau, mais... ouais. Le violent, je sais pas s'il a affrété. Ah, non, je sais pas. Ben, il me suivait, là. Il avait 4-5 jours de tour de moins que moi. Il y a le privilège aussi qu'attendait. Et sa femme a été malade. Les éclusiers? Bon, en principe, oui. Hein. Ouais. Bon, bah oui, parce qu'il y a la maison, puis il y a le jardin qui va avec. Hein. Enfin, il y a que le gars que. Si le gars, il a jamais été jardinier, il a jamais touché à la terre, il le laisse en friche. Hein. J'en connais. Hein. Enfin, moi, j'aime bien parce que mes parents étaient cultivateurs. Et vous dépannez toujours les mariniers, alors, comme ça, en vendant des petits légumes? Bon, c'est-à-dire que, oui, quand ils m'en demandent comme ça, bon, ben, je leur en fais cadeau. C'est-à-dire que, bon, c'est pareil, quand ils me donnent. Mettons, ils me donnent un seau de grain, bon ben je leur donne un seau de. Je leur donne des patates et puis 2-3 tomates et puis c'est bon, quoi, on s'arrange comme ça. Quoi. Oh non, autrement je rends pas, hein, parce que bon ben, moi j'ai des enfants, tout ça, alors pareil, hein, j'ai eu 3 petites filles. Bon ben vous savez bien, hein, jardin, hein, ça rend service. Hein. Donc quand moi je suis arrivé ici en 60, j'avais pas une grosse paye. Hein. Je me rappelle à cette époque-là, je vous parle d'anciens francs, 30 000 francs. Hein. Enfin, la vie n'était pas comme maintenant. Hein. C'est-à-dire avec 10 000 francs, hein, on faisait des commissions que maintenant, hein, c'est pas pareil. Hein. Mais enfin, c'était dur au début. Hein. Enfin, maintenant, ça va. Parce que, bon, bah, maintenant, moi, je suis au bout du rouleau. Hein. Je suis au 10e échelon et puis je suis au grade de chef d'équipe, quoi. Alors maintenant, moi, je n'ai plus rien à espérer. Hein. Pour ça. Hein. Ça ouais. Ne va pas vous manquer de ne plus habiter au bord de l'eau ? Ah si, alors. Vous vous rendez compte, 27 ans, j'ai encore 2 ans à faire. Ça va faire presque 30 ans ici. Ouais, si, ça me fera. Ça sera dur hein, pour moi. Ouais. J'aurais bien voulu rester dans le coin, mais je trouve pas de maison à acheter. Mais... Moi, je vois, vous voyez, j'ai jamais eu de problème avec les mariniers, même les plaisanciers et tout ça. Moi, le conducteur, même l'ingénieur, je le vois une fois dans l'année, c'est tout. Hein. Du moins qu'on fait son travail, on entretient bien l'écluse et puis tout, qu'il n'y ait pas de plainte. Bon, ben, alors, vous savez, déjà, être comme ça libre, hein, c'est déjà une belle chose. Hein. Enfin, pour moi, hein. Parce qu'en usine, vous savez, ça aurait été dur. Hein. Oh là là. Surtout, bon, bah, j'ai toujours été sûr à la terre, quoi. Mes parents cultivateurs, et puis là, bon, bah, je suis en plein air, hein, c'est ça. Hein. Ce serait quoi les inconvénients du métier d'éclusier ? Ben, principalement l'hiver, la nuit, pour le barrage. Hein. Parce que, bon, bah, un éclusier sur le canal, c'est différent. Lui, il n'a que l'écluse à s'occuper. Tandis que moi, il y a le barrage, là. Hein. Et vous voyez le... Le barrage, là, le barrage, il consiste à, vous voyez, tous les bouts de bois qui sont l'un contre l'autre. D'ailleurs, vous voyez, il y a un trou là-haut. Vous savez, il y en a d'empilés. Alors, c'est ça qui fait le plan d'eau. Vous voyez, alors, quand l'eau monte, je suis obligé d'en retirer. Et si ça baisse, je suis obligé de les remettre. Mais il y en a 1400. Il y a ces trois travées-là, plus celle-là. Il faut y aller à n'importe quelle heure de la nuit. Hein. Ouais. Alors là, c'est pénible. Comme là, vous voyez, au mois de juin, cette année, à 3h du matin, le conducteur d'Auxerre, il m'a appelé par le téléphone de ville. Il m'a dit, dis donc, méfie-toi, parce que sur Auxerre, on est noyé, tous les barrages, ils tombent sur Auxerre. Et il dit, il y a de l'eau qui arrive, parce qu'il y avait eu un gros orage du côté d'Avalon. Et ça avait monté d'1,20 m. Alors, de 3h du matin jusqu'à 6h30 du matin, sans arrêt, j'étais en train d'enlever les bouts de bois. Alors là, c'est pénible, hein. Moi, j'ai vu ici, en 60, quand on est arrivé avec ma femme, 7 crues. Hein, et l'eau sur le chemin. Hein. Et on est une dizaine de jours sans pouvoir passer là. Hein, l'eau rentre ici, partout. Hein. Alors, on est obligé de prendre des cuissardes et puis passer à travers champs quoi, pour aller en commission. Enfin, autrement, l'été, bon, bah, l'été, on est peinard. Enfin, on est peinard, non, parce qu'il y a du trafic de la plaisance. Quoi. Enfin, c'est notre métier. Hein, chacun ses inconvénients. Hein. Mais enfin... C'est moins pénible que l'hiver. Hein. D'accord. Là, c'est les éclusiers du vent. Oui, parce que maintenant, avant, on avait le téléphone, vous voyez, de relier d'écluse en écluse. Mais maintenant, on n'en a plus du tout. Parce que, bon, ben, les poteaux sont foutus et puis les berges, ils sont complètement foutus. Hein. On ne peut plus passer en voiture. Hein. Enfin, il y a certains endroits, mais par là, on ne peut pas. Alors, l'ingénieur, il nous a acheté des appareils comme ça. À chaque écluse, on a des appareils comme ça. Enfin, ça marche plus ou moins bien parce que enfin, normalement, nous, on a des grandes antennes avec le collègue du dessus, là, la gravière. Mais les autres, ils ont des petites antennes. On n'arrive pas à se capter comme il faut. Et les mariniers, ils en ont, eux. Oui, je ne sais pas si vous avez vu. Ils ont des gros postes comme ça. Et eux, on arrive à les capter comme il faut. Parce qu'eux, ils ont au moins 25 watts, je ne sais pas. Et puis, ils ont une antenne sur le toit. Et un bateau qui est à Joigny, qui s'annonce pour l'écluse de Péchoir, d'où vous venez passer, moi, je l'entends d'ici, hein. Avec les mariniers, il n'y a pas de problème. Mais avec nous, ça fait juste. Hein, c'est 1 watt. Enfin, ça dépend hein, du temps. La gravière pour Épinot, la gravière. La gravière pour Épinot, la gravière. La gravière pour Épinot, la gravière. La gravière pour Épinot, la gravière. Et ça, c'est pas évident. Hein. La gravière, tu m'entends? La gravière? T'as rien là en vue? Rien en vue. Bon, ben, parce que j'ai une pénichette là, mais je sais pas où c'est qu'elle va aller. Je vais demander aux gens, hein. Attends 5 minutes, hein. Vous allez où? Je pense qu'on va aller vers Auxerre. Vous allez sur Auxerre? Bon, alors, ça sera pour toi, la pénichette, hein? D'accord. Compris. Il a compté. Non, il n'a rien en vue encore du chargé. Alors, vous allez le croiser certainement par là. Parce que normalement, d'après ce qu'il m'avait dit lui ce matin, le gars, il était parti d'Auxerre à 6h30. Non, il ne devrait pas être bien loin. Et après, il y a un pousseur qui charge, un autre, ils sont deux, trois, il y en a encore quatre à charger à Auxerre. Alors, normalement, ça devrait être bon si vous y allez demain matin. Mais ce soir, vous ne pouvez pas y aller, hein, parce que d'ici Épinot, pour aller à Auxerre, il y a encore 10 écluses. Hein. Et 25 km. Enfin, c'est pas le coût des kilomètres, hein, parce qu'en voiture, on met 20 minutes. Hein. Mais c'est le coût des écluses, quoi, c'est ça. Hein. Il y a 20 ans qu'on n'a rien fait pour moderniser les canaux, et rien du tout. Il y a une vingtaine d'années, on a quand même fait quelque chose. On a fait le canal du Nord, on a modernisé la Seine, et on a fait Dunkerque-Valenciennes. Et depuis ce temps-là, on n'a pratiquement rien fait. Alors, l'évolution de la batellerie motorisée sur ces canaux anciens, dont Napoléon est fasciné. Et les bateaux qui marchaient avec des chevaux à 4 km à l'heure et puis les automoteurs, ils ont commencé avec 30 chevaux pour finir jusqu'à 200, ont détérioré les berges. Comme ce n'est pas entretenu, maintenant les canaux fraîchinés sont encombrés par la vase, les berges les cassées, etc. C'est déplorable. Et c'est là les mariniers qui sont fous furieux parce qu'on fait rien à comparer avec la route pour sauver la batellerie. Alors, voyez-vous, il y a eu une erreur de la batellerie parce qu'elle n'a pas évolué vite assez, mais une grave préjudice de la part des pouvoirs publics d'avoir laissé tomber, si vous voulez, la batellerie. Et c'est ce qu'on reproche le plus souvent maintenant. Bon, alors, en ce qui concerne le chômage du canal du Nord, là, j'ai demandé à un arrondissement Picardie qui m'a précisé que les bateaux qui remontent vers le Nord devront avoir franchi l'écluse numéro 19 avant le 4 à 19h. Ah voilà, écluse 19 avant le 4 à 19h. Voilà, bon, vous êtes prêts à Paris? Oui, nous sommes prêts à Paris. Alors, la séance est ouverte. Nest, Dalao, Geslo. Oui, attendez, s'il vous plaît. Pour quel bateau? Le voyage numéro 45 pour le bateau Nest, visa 2698. D'accord, le 45 pour le Nest, c'est le Corbeil-Tarteret-Strasbourg, 250 tonnes d'orge, bateau plombé, 119,49 CST à la date du 31 pour SDTAE. Le bureau d'affrètement, c'est un lieu qui met en rapport l'offre et la demande de transport fluvial. Le bureau d'affrètement tient à jour les disponibilités des bateaux vides et les transporteurs viennent donc s'y informer régulièrement, viennent assister à des séances de bourse où ils prennent les trafics et le client dans tout cela qui confie des marchandises est représenté par un courtier de fret qui centralise donc les demandes par les clients qui s'appellent les chargeurs. C'est d'accord. On est au 30 juin, Tanker, le 4 juillet, Kenavo, le 8 juillet, Sainte-Thérèse, Pascal, le 10 juillet... Attendez, s'il vous plaît. Vous avez vu donc une séance de bourse. La séance de bourse se fait suivant une répartition des trafics dite autour de rôle, qui a été voulue à partir dans les années 30 par la profession suite à de graves problèmes. En gros, le tour de rôle, c'est on répartit équitablement les trafics entre tous de manière à ce que toute une profession travaille. Donc, le tour de rôle consiste à faire à dresser une liste des bateaux disponibles en fonction des dates de chargement, de faire l'appel de ces bateaux dans cet ordre-là et le batelier donc, qui assiste à la séance, qui a pris connaissance des offres de transport publiées sur un grand tableau, où il y trouve toutes les informations nécessaires, prend ou ne prend pas le transport. D'accord, alors 600 tonnes de givre sur le Challenger, c'est donc sur le Vishnegam, il reste 4400 tonnes. C'est d'accord, 4400. Alors maintenant, on est au 13 juillet, 8 à 12, le 16, 19 décembre, le 17, caravane, Rhône. Sur le Rhône, on est un peu à part, puisqu'on a un GIE et qu'on a plutôt notre liberté ici. Que par ailleurs, ils sont obligés de passer par le bureau d'affrètement et ça gêne énormément certains clients. Et il n'y a pas de gros problèmes jusqu'ici. On a un peu de travail sur le Rhône à cause de ça. Et on a quand même notre tour de rôle puisque nous sommes une vingtaine de bateaux. Et l'attente est longue en général ? Ça dépend. Quelquefois, ça peut durer une dizaine de jours, quelquefois un mois, mais enfin 10-15 jours le moyenne. Et qu'est-ce que vous transportez sur cette direction ? Sur cette, on transporte de la céréale. On transporte également du charbon, on fait du fer, bien sûr, et également des tourteaux qu'on va reprendre, et puis des atapulgites. C'est des litières pour les chats. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir dans cette région ? Ben, j'ai voulu changer de matériel, c'est tout. J'ai pris un matériel plus important, et maintenant je suis coincé sur le Rhône. On peut faire donc comme circuit, Fos-sur-Mer, Saint-Jean-de-Laune, et Sète également Saint-Jean-de-Laune. Quoi. Qu'est-ce que vous avez comme tonnage ? Un tonnage de 560 tonnes. Et il y a à peu près des bateaux de tout type sur le Rhône. Donc moi, je fais partie d'un des plus petits. Et vous avez des bateaux de 900 tonnes, 10 Canadiens. Et vous avez des Danubiens qui font de 1350 tonnes. Et ensuite, vous avez les barges, quoi, les pousseurs. Un petit peu partout. Hein. Après, quand mes enfants étaient à l'école, bon, ben, on s'arrangeait quand même pour être le plus souvent, tout au moins, sur le passage. Mais j'ai toujours pratiqué la navigation sous la Belgique, la Hollande, et puis un peu l'ensemble de la France. Quoi. Enfin, l'ensemble où on peut aller, évidemment, puisqu'il y a certaines sections qui sont trop petites pour nous. Hein. Lorsque vous prenez un voyage pour la Belgique, par exemple, comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez vous amuser à aller en Hollande, en Belgique, ou est-ce que vous êtes obligé de revenir avec un voyage pour la France ? Non, nous sommes obligés de reprendre un voyage pour la France, ou alors on a la possibilité de charger en Hollande pour la Belgique ou en Belgique pour la Hollande. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est un trafic à l'intérieur même du pays. Alors c'est comme ça que ça va se passer jusqu'en 92 ? En 92, les conditions vont changer, la concurrence va être dure, non ? Ben, la concurrence sera très dure parce que je pense que les bateliers français auront beaucoup plus de difficultés pour effectuer les transports à l'intérieur, alors que les étrangers pourront naviguer librement dans la France même. Est-ce que, avec cette conjoncture qui n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire pour la batellerie, vous êtes arrivé d'envisager de débarquer ? Oui, bien sûr. Et c'est surtout justement à cause de l'enfant qui est à l'école, qui s'adapte assez mal à la séparation. Quoi, c'est ça. Mais c'est aussi suite aux conditions de travail de maintenant, quoi, puisqu'on manque de travail, donc on chercherait à faire autre chose. Mais ce n'est pas de détecteur, c'est vraiment parce qu'on se trouverait forcé de faire ça. On souhaite que ce soit le plus tard possible quand même. C'était en fait le gabarit des canaux à l'époque qui définissait les dimensions des péniches à construire, c'est-à-dire les péniches de 38,50 m de long, 5 m de large, avec un tirant d'air maximum de 3,50 m, parce que les ponts sur les canaux ne permettaient le passage que des bateaux de ce tirant d'air. Il y avait certains constructeurs qui avaient défini des plans, et puis, en fait, ça se généralisait. Si vous voulez, le bateau, c'était toujours la même chose. Un logement à l'arrière, un logement à l'avant, et puis une cale au milieu, c'était ce type de bateau. Les gens choisissaient le chantier en fonction du type de bateau qu'ils voulaient. Vous aviez, par exemple, un chantier qui construisait un certain type de bateau, et les gens qui allaient dans ce chantier savaient d'avance le type de bateau qu'ils allaient recueillir, hein, recevoir. Ça, c'était eux qui faisaient leur choix du chantier. Mais pas, ils n'avaient pas un choix au même chantier de X type de bateau. Ça n'existait pas, ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des bateaux qui s'appellent, je ne sais pas moi, des Strasbourg, parce que c'était la SCAR qui en a construit peut-être 200 ou 300 de ces péniches à l'époque. Bah, c'était le type Strasbourg, on appelait le bateau Strasbourg, c'était ce type-là. Et vous aviez, par exemple, dans le Nord, des types comme Demey. C'était un bateau Demey. Et tous les chantiers avaient un certain type de bateau, ils se différenciaient les uns des autres, et les mariniers, en fonction de cela, disaient, ben tiens, je vais faire construire mon bateau chez Demey, ou à la SCAR, ou ailleurs. Voilà. Alors donc on a cessé de construire des bateaux type Fraissiné quand ? C'est la SCAR qui a terminé, en fait, ce sont les Strasbourg qui ont été les derniers sortis. 62, 63, ils en construisaient encore, et il y a le dernier bateau a été construit chez Plaquet. C'est Plaquet qui a fait le dernier bateau, je crois qu'il a 67 ou 68. C'est le dernier, ça a été le dernier. Voilà, et depuis, on ne construit plus, au contraire, on aurait plutôt tendance à détruire. Alors maintenant, se passe aussi quelque chose, là c'est au niveau international, dirons-nous. C'est que, en fait, on voit de plus en plus des Hollandais et des Belges venir acheter du matériel en France pour le prendre chez eux, dans l'esprit du marché de 1992. Et que là, on risque peut-être en 1992 d'avoir certaines difficultés parce que la cale pourrait se montrer peut-être insuffisante, on ne sait pas trop, et devoir naviguer sur les rivières françaises du matériel français sous pavillon étranger. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est plutôt un petit peu une question de politique, je ne sais pas trop. Ils viennent acheter du matériel neuf ou d'occasion ? D'occasion, c'est-à-dire qu'ils rachètent, par exemple, des dépousseurs, des barges, des bateaux de grande capacité, et pas des bateaux Fraissinés, ça ne les intéresse pas. Le 38,50 m, de toute façon, le bateau de type Fraissiné est un bateau qui est dépassé. C'est un bateau qui n'est plus rentable. L'exploitation de ces bateaux, d'ailleurs, se perd de plus en plus, et on assiste justement à une demande de plus en plus forte de rallongement de bateaux. C'est-à-dire que les gens qui ont un bateau de 38,50 m veulent le porter à 50 mètres, par exemple, en faisant remettre un tronçon de cale supplémentaire. On coupe le bateau, on remet un tronçon, on rassemble tout cela, et ça permet de transporter 600 tonnes au lieu des 350-400 tonnes qu'il faisait. Et c'est un petit peu 600 tonnes, c'est même la limite la plus basse pour la rentabilité. L'idéal, c'est 800-900 tonnes, quoi. Conflans-Sainte-Honorine, 27e pardon de la batellerie. On se demande, ils sont aidés par l'État parce que ce sont des nouvelles péniches qui valent 400 millions anciens. Je dis en ancien, c'est plus facile. Alors là, il y a tout de moteur. Elles ne sont pas belles. Ils n'ont pas une belle forme, mais alors elles sont calculées théoriquement. Bon, ça doit marcher comme ça, ça marche comme ça. Ça marche, c'est vrai, ça marche. Elles prennent beaucoup de tonnes. Elles ont des tuyères, qu'on appelle ça. C'est pas des hélices, c'est des tuyères. Elles n'ont pas de gouvernail, ça se conduit comme ça. Elles ont radar, tout ce qu'on demande maintenant, ce qu'il faudrait que tout marinier possède. Mais alors il faut déjà avoir certains biens à vendre. Le premier marinier qui a fait construire ça, il avait hérité 3 maisons de famille. Il a vendu ses 3 maisons pour faire l'apport personnel. Ça lui a permis d'avoir des crédits. Alors il a des crédits je ne sais combien d'années. Hein. S'il y a du travail, il arrivera à payer. Puis s'il n'y en a pas, on se pose des questions, on se demande comment ils vont faire. Et ça nous donne un petit espoir, parce que quand même, si les pouvoirs publics ont autorisé la construction de ces péniches-là, de faire ces crédits pour acheter ces péniches, c'est qu'il y a d'espoir d'avoir du travail, sinon ils ne l'auraient pas fait. Alors on se demande pourquoi on n'a pas de travail comme ça, ces gens-là, comment ils vont payer ? Les emprunts, ils sont remboursés comment ? C'est invendable une péniche comme ça, on ne peut rien faire d'autre avec que de transporter. C'est quel tonnage ? C'est 900 tonnes ces péniches-là. Parce qu'il ne faut pas les faire trop grandes non plus pour passer sur le canal du Nord. C'est la péniche type canal du Nord. Tandis que nous, c'est la péniche fraissinée. On va partout sauf sur le canal du Midi, parce que là-bas c'est 30 mètres et nous on fait 38,50 mètres. Vous savez, il faut y croyant et avoir la foi, mais c'est désolant. J'ai jamais vu, vous n'avez pas le moral. Hein. Là, j'ai fait une course de godille, parce qu'il faut bien amuser les gens, hein, c'est le pardon, mais vous n'avez pas. Il n'y a pas l'élan qu'on avait dans le temps, quoi. Hein, on n'a jamais cassé, comme on dit, quatre pattes un canard, mais là, rester comme ça, là, en ce moment, ça fait 48 jours que je suis sans boulot. Ça commence à faire long. Hein. Alors, plus les charges qui vous tombent, qu'avant, on n'avait pas de charges. Hein, maintenant, il y a la maladie obligatoire, il y a la retraite obligatoire, il y a l'URSSAF obligatoire. Et tout ça, ça tombe tous les semestres. Vous avez acheté une péniche il y a longtemps ? Ben, j'ai toujours été, quoi. Mon père, moi, je me suis marié à 26 ans. J'ai sorti de l'école à 15 ans et demi. J'avais été un petit peu plus loin que le certificat. À cette époque-là, j'avais eu de la chance. Mes parents, ils m'avaient scolarisé jusqu'au brevet. On a conduit un bateau avec mes parents. Ensuite, j'ai toujours resté avec mes parents. On a pris un deuxième bateau. Je suis allé en Algérie faire 30 mois. Je suis revenu. On a repris un bateau. Et on a toujours, j'ai toujours resté avec mes parents. Et quand je me suis marié à 26 ans, mon père m'a donné une petite somme d'argent. Puis j'ai redémarré sur un bateau. Alors après, je me suis marié. Après, j'ai eu des enfants. Puis après, j'ai acheté un gros bateau. J'avais gagné, on avait avec ma femme, on avait gagné assez pour un petit. On a voulu monter, hein, fêter le progrès, un gros bateau. Alors d'un bateau de 350 tonnes, on a pris un de 1000 tonnes. Puis aujourd'hui, il est à peine payé, on n'a plus rien. Seule différence, c'est qu'on n'a jamais pris de vacances. Si on peut appeler des vacances, comme en ce moment. Voilà. Enfin, on avait un métier, vous savez, à côté des gens qui ont besoin de vacances, les gens qui travaillent dans des bureaux, on avait un métier formidable. Avec mon petit bateau, on allait partout. Bon, disons que c'est des vacances en travaillant. Hein, ça, vous savez, c'est pas comme la personne qui a besoin. Que c'est normal, je vois mon fils qui est à l'école qui a 19 ans. Ben, tous les jours, le train pour Paris, quand il part au matin à 7h, il est debout. Quand il rentre au soir à 18h30, il est encore debout. Hein, et il court tout le temps. Tandis que nous, quand on faisait un transport, quand il fallait se lever à 5h du matin, on se levait à 5h du matin. Mais quand il y avait des journées de fête, comme ici aujourd'hui à Conflans, on prenait notre temps, puis on restait 2 jours pour voir la famille. On avait le temps, quoi. Malheureusement, c'est une liberté qu'on paye fort cher. Et les problèmes, ça a commencé il y a longtemps ? Ben, ça a commencé il y a une dizaine d'années, il y a plus de 10 ans. On n'a jamais donné d'argent pour restructurer la navigation. Les routes, nous, on était très bons. Mes grands-parents, ils avaient un bateau en 1928 de 250 tonnes pour aller dans tous les canaux de France. À cette époque-là, le camion, il faisait 5 tonnes. Maintenant, nous sommes toujours à 250 tonnes, et des fois moins, parce que le canal, il est envasé, tandis que le camion est à 38 tonnes. La manutention, avec la reprise de charge, les dockers sont tellement chers dans les ports maritimes qu'on ne passe plus. Même que nous sommes les moins chers au départ, à l'arrivée, on ne passe plus. Puis vous avez beaucoup de clients maintenant, pour le même prix, avec un camion, ils font livrer la marchandise à Rouen, mais dans la cour du client. Tandis que nous, on décharge le bateau à un quai et ensuite, c'est un camionneur qui reprend pour amener dans la cour du client. Avec la concurrence qui est vraiment dure en ce moment, les gens choisissent le moindre coût. Et là, vous avez un problème aussi, c'est qu'une péniche, même une péniche, c'est 250 tonnes. Il fallait déjà avoir l'argent pour 250 tonnes. Puis des bateaux comme nous, c'est 900 tonnes. Tandis que maintenant, un coup de téléphone, ils prennent 38 tonnes. Si le lendemain, ils ont besoin d'une autre commande, on redonne un deuxième coup de téléphone. Et des camionneurs, il y en a. Il n'y a plus de stock, il n'y a plus rien. Hein, tandis qu'avant, un charbonnier, il commandait une péniche l'été, il stockait 250 ou 500 tonnes de charbon. Maintenant, dans Paris, vous n'avez plus de stock nulle part. Il n'y a jamais eu de politique de voie d'eau. Et puis qu'est-ce qu'on représente? On est plus que 2500 mariniers, artisans. Nous, quand on est enflammé, on se déplace encore parce qu'on aime bien notre ville. On va voter. Mais il y a beaucoup de gens qui sont écœurés. Hein, comme vous voyez en ce moment, pour un petit bateau, 35-40 jours d'attente, les gens ne bougent plus, les gens se terrent. Hein, parce que c'est pas un peuple qui vont. Personne ne veut montrer sa misère comme ça. On se terre chez nous et on ne bouge plus. Hein. On n'est pas des gens à faire des manifestations bruyantes pour un oui, pour un non. Enfin, c'est bien moche. Bon, monsieur, dame, je vous souhaite un bon restant de pardon. Oui. Bon, allez, moi, je suis avec monsieur Bécu. Bien fait. Il y avait longtemps que j'ai reçu, Daniel. Soyons sérieux, il y a des règles. Père du Valais, aumônier à bord du bateau église, je sers. À la fois la parole des mariniers, c'est leur lieu culturel, c'est un lieu d'animation. Donc on a la messe tous les dimanches, on a tous les sacrements, les mariages, les baptêmes de ceux qui veulent du bassin de la Seine, en gros. Parce que c'est plutôt la paroisse de la vallée de la Seine. Et puis ils font des fêtes, leurs réunions, enfin c'est leur bateau, leur bateau commun, comme les gens, ils ont une maison commune. La communauté des mariniers est très pratiquante. Une prime de... Pas beaucoup plus que la moyenne des Français. Hein? Ils sont certainement plus croyants. Mais pour eux, depuis toujours, l'ensemble de l'Église, c'est à terre. Et la terre ne les concerne pas parce qu'ils sont trop mal reçus. Et c'est un peu vrai qu'ils sont mal reçus parce qu'ils sont différents. Mais ils s'imaginent qu'ils sont mal reçus parce que tous les prends en bosse poil. Ils passent en bateau, ils demandent un médecin, on leur dit prenez un rendez-vous. Pour eux, c'est impossible. Hein, on peut, hein, toutes les mœurs des terriens leur sont impossibles. Alors tout le temps, ils sont blessés, humiliés comme cela. Hein? Alors, de sorte que les églises, c'est pareil. Hein? Dans le temps, les gens, ils ont fait des efforts pour mettre les heures des messes sur les routes, mais jamais sur les canaux. Hein? Même à Paris, qui a un bateau de commerce sur ses armoiries, c'est impossible de trouver une église quand on arrive impromptu au quai d'Austerlitz. Et en plus, on est chassé tout le long de Paris, on n'a pas le droit de s'arrêter, parce que des gens d'Athènes sont emparés d'un morceau de l'eau parce que c'est moins cher ou plus pittoresque. On est bien content de refiler les bateaux. Puis, comme on ne peut plus travailler, on est content qu'il y ait des bateaux logements qui se vendent. Ça fait au moins un marinier qui ne crèvera pas de faim sur ses vieux jours. Mais c'est une incompréhension, hein, entre la terre et l'eau. C'est cette incompréhension grandissante des Français à ce qui est différent. Alors, il n'y a pas que les Noirs et les Maghrébins, il y a les mariniers. Mais on sent la même chose que les beurs. Hein? On n'est pas de chez eux, on est de nulle part. Hein? Ils sont dans une misère noire. J'essaye de remonter un service d'entraide qui s'appelle l'entraide sociale batelière. Je demande des subventions aux villes qui sont au bord de l'eau. Et les conseils municipaux me répondent, on s'occupe que des œuvres locales. La foi locale. Si on n'a pas de local, on n'a pas le droit à une subvention municipale. Connaissez-vous ? Et ça, c'est tout le long. Vous avez choisi de vous consacrer à la communauté des mariniers ou bien est-ce que ça s'est fait par hasard ? Non, j'ai choisi parce que j'ai eu toute ma vie un ministère très, très scabreux, très difficile dans les prisons. Et puis, usé, fatigué, fatigue, j'aurais pas supporté les chrétiens ordinaires. Je n'aurais pas supporté. Alors j'ai cherché des chrétiens qui ne soient pas ordinaires, qui soient des hommes rudes, qui soient des travailleurs, qui ne soient pas des baratineurs, qui ne soient pas des gens qui ont des problèmes. Dans la marine, on n'a pas de problème, on a un emmerde. Un bateau qui fait eau, ce n'est pas un problème, c'est un trou. Un bateau qui a un chômage, ce n'est pas un problème, c'est une misère. Alors, on fait face, mais on ne pousse pas. Hein? Alors moi, je suis revenu rejoindre un peuple de Manuel, parce que les autres, avec les problèmes, ils me fatiguent. Comment vas-tu? Bonjour mon père. Ça va? Ah là là. Nuit magnétique. Les mariniers. Avec Julienne Grimaud, bateau Saint-Louis. Martial Chantre, bateau Destrier. Alfred Leclerc, bateau Pils. Monsieur Nicolas, bateau Cheviré-Beaulieu. Monsieur Pioche, bateau Élite. Madame Laure, bateau Villa des Laures. Le père Duvalet, bateau Église, je sers. Monsieur Dupuis, écluse Épinot. Monsieur Boussuge, Office national de la navigation. Monsieur Zeller, chantier naval d'Achères. Texte lu par Richard Boringer. Sur le canal, nous, on a toujours fait le canal de Saint-Mamie à Chalon-sur-Saône. Et bien maintenant, il n'y a plus rien à faire. Tout est liquidé. Le canal, il marche encore, mais il n'y a quand même pas beaucoup de bateaux par jour. Pour plus d'informations, vous pourrez lire « Batellerie et bateliers de France » de Bernard Lesueur aux éditions Horvath, ou encore « Bateaux des fleuves de France » François Baudouin aux éditions de l'Estran. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 janvier 1988. À lire également « La vie des mariniers » de Josette Collin, édition Plomb. Et à venir, donc, le troisième volet de cette série, « La batellerie industrielle » Le Rhin. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Down by the riverside.